Ils ont beaucoup changé. Qui? Ces deux-là. C'est ça. Faisons un peu de conversation. N'est-ce pas qu'ils ont beaucoup changé? C'est probable. Il n'y a que nous qui n'y arrivons pas. Probable. C'est certain. Tu les as bien vus. Si tu veux, mais je ne les connais pas. Mais si tu les connais. Mais non. Nous les connaissons, je te dis. Tu oublies tout. À moins que ce ne soient pas les mêmes. La preuve, ils ne nous ont pas reconnus. Mais ça ne veut rien dire. Moi aussi, j'ai fait semblant de ne pas les reconnaître. Puis nous, on ne nous reconnaît jamais. Ah, c'est... ce qu'il faut. Aïe. Aïe. À moins que ce ne soient pas les mêmes. Didi, c'est l'utopie. Monsieur! Ça recommence. Approche, mon enfant. Monsieur Albert? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Avance. Avance, on te dit. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Godot. Évidemment. Approche. Approche, on te dit. Pourquoi tu viens si tard? Tu as un message de Monsieur Godot? Oui, monsieur. Eh bien, dis-le. Pourquoi tu viens si tard? Laisse-le tranquille. Fous-moi la paix, toi! Tu sais l'heure qu'il est? C'est pas ma faute, monsieur. C'est la mienne, peut-être. J'avais peur, monsieur. Peur? De quoi? De nous? Réponds! Je vois ce que c'est, ce sont les autres qui lui ont fait peur. Il y a combien de temps que tu es là? Il y a un moment, monsieur. Tu as eu peur du fouet? Oui, monsieur. Des cris? Oui, monsieur. Des deux messieurs? Oui, monsieur. Tu les connais? Non, monsieur. Tu es d'ici? Oui, monsieur. Tout ça, c'est des mensonges. Dis-nous la vérité. Mais c'est la vérité, monsieur. Mais laisse-le donc tranquille, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je suis malheureux. Sans blague. Depuis quand? J'avais oublié. La mémoire nous joue de ses tours. Eh bien, monsieur Godot, je t'ai déjà vu, n'est-ce pas? Je sais pas, monsieur. Tu ne me connais pas? Non, monsieur. Tu n'es pas venu hier? Non, monsieur. C'est la première fois que tu viens? Oui, monsieur. On dit ça? Eh bien, continue. Monsieur Godot m'a dit de vous dire qu'il viendra pas ce soir, mais sûrement demain. C'est tout? Oui, monsieur. Tu travailles pour monsieur Godot? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Je garde les chèvres, monsieur. Il est gentil avec toi? Oui, monsieur. Il ne te bat pas? Non, monsieur, pas moi. Qui est-ce qu'il bat? Il bat mon frère, monsieur. Ah, tu as un frère? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde les brebis, monsieur. Mais pourquoi il ne te bat pas, toi? Je sais pas, monsieur. Il doit t'aimer. Je sais pas, monsieur. Il te donne assez à manger. Est-ce qu'il te donne bien à manger? Assez bien, monsieur. Tu n'es pas malheureux? Tu entends? Oui, monsieur. Et alors? Je sais pas, monsieur. Tu ne sais pas si tu es malheureux ou non? Non, monsieur. T'es comme moi. Où c'est que tu couches? Dans le grenier, monsieur. Avec ton frère? Oui, monsieur. Dans le foin? Oui, monsieur. Bon. Va-t'en. Qu'est-ce que je dois dire à monsieur Godot, monsieur? Dis-lui. Dis-lui que tu nous as vus. Tu nous as bien vus, n'est-ce pas? Oui, monsieur. La lumière se met brusquement à baisser. En un instant, il fait nuit. La lune se lève au fond, monte dans le ciel, s'immobilise, baignant la scène d'une clarté argentée. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais comme toi. Je regarde la blafarde. Je veux dire avec tes chaussures. Je les laisse là. Un autre viendra aussi que moi, mes chaussons moins grands, et elles feront son bonheur. Mais tu ne peux pas aller pieds nus. Jésus l'a fait. Jésus? Qu'est-ce que tu as cherché là? Tu as tout de même pas te comparé à lui. Toute ma vie, je me suis comparé à lui. Mais là-bas, il faisait chaud. Il faisait bon. Oui, et on crucifiait vite. Non, plus rien à faire ici. Ni ailleurs. Voyons, Gogo. Ne sois pas comme ça. Demain, tout ira mieux. Comment ça? T'as pas entendu ce que le gosse a dit? Non. Il a dit que Godot viendra sûrement. Demain. Ça ne te dit rien? Alors, il n'y a qu'à attendre ici. T'es fou, il faut s'abriter. Viens. Dommage qu'on n'ait pas un bout de corde. Viens. Il commence à faire froid. Fais-moi penser d'apporter une corde demain. Oui, viens. Ça fait combien de temps que nous sommes tout le temps ensemble? Je ne sais pas. 50 ans, peut-être. Tu te rappelles le jour où je me suis jeté dans la Durance? On faisait les vendanges. Tu m'as repêché. Tout ça est mort et enterré. Mes vêtements ont séché au soleil. N'y pense plus, va. Viens. Attends. J'ai froid. Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de rester seul, chacun de son côté. On n'était pas fait pour le même chemin. T'es pas sûr? Non, rien n'est sûr. On peut toujours se quitter si tu crois que ça vaut mieux. Maintenant, ce n'est plus la peine. C'est vrai, maintenant, c'est plus la peine. Alors, on y va? Allons-y. Il ne bouge pas.